I'm willing to really sum this. I'm really willing. Do I hear my drunk voice again? But all of you, it was the night. I'm not even living. Pas loin, cherche bien. Mais si tu aides, ils font rien, bien. D'où vient cette créature en robe longue? Et cette fusée encore oblongue qui se dresse, fière, droite comme un i, qui peut deviner quand Thank you.

démocratie aussi. On entend, on attend dans le la guerre. Progresser, progresser, on sait que Macron va négocier. Et on sait, nous, comme il est, il nous a haï dans tous les pays, il nous a honni, il nous a craché dessus. Lui aussi, le français, moins français que tous les français. Ils sont cons, ils sont russes, ils sont ok, ok. Ils sont ok pour se défaire de ce camp. Terre à terre, de ce commissaire. Bien pensant, violé il y a 15 ans. Toujours sur le jour de sa maman. Sur le genou, sur le jour, le syndrome de Stockholm. Des mains, des mentis. Des fois c'est permis, eh oui, eh oui, eh. Si tu vends des chocolats, c'est oui, Brigitte, merci. Qu'est-ce que tu fais? On a pas fait. Thank you. sista, aussi, au sista, aqui, oh my soul, give it all my soul again, sister, sister, sister, sister, sister, help me, what you give me, oh my lord. But my twin sister and I look different things at home. Though in the always work, but no, now I know for sure we are all lost in our minds with a desperate need of understanding. Thank you. you're here with.